simplement moi. Si je rappe, c'est que j'en ai marre de voir les hauts places et qui ricanent, de les voir rouler en Audi pendant que d'autres sont en bécane. J'aimerais beaucoup plus d'égalité que celle qu'on étale, mais ceux qui nous dirigent font tout pour qu'on s'écrase sur du métal. J'en peux plus de voir se confirmer l'impression qu'on nous ment, pour que les intérêts de certains fructifient gentiment. C'est drôle, on nous parle sans arrêt d'insécurité, alors que les hommes privilégient l'économie plutôt que la paix. On vit dans une époque où fleurissent les paradoxes, on crée des besoins que certains sont obligés de combler par la porte. Mal quand on nous vend du rêve, pendant que les uns peuvent tout s'offrir, les autres peuvent simplement bosser comme des soufis. Donc voilà un son de circonstance pour dire que je suis fâché de vous voir vous faire la guerre avec la haine qu'on panaché. Je supporte plus que ce soit les innocents qui paient. J'en ai marre de ces cauchemars, moi je veux des rêves de paix. Je suis juste un mec simple, pas un gars original, qui ressasse les mêmes choses pour qu'elles deviennent subliminales. T'attendais pas de l'ego trip ou du sensas, c'est juste ma rébellion pour éviter que la merde du monde s'entasse. Ouais, juste un mec simple, pas du genre original, qui ressasse les mêmes choses pour qu'elles deviennent subliminales. T'attendais pas de l'ego trip ou du sensas, c'est juste ma rébellion pour éviter que la merde du monde s'en tape. Si je prends la peine de crier ma colère dans un micro, c'est que la bêtise gouverne le monde, rester passif me fout les crocs. Y'a pas un jour sans que l'actualité ne m'indispose. Voir tous ces conflits simplement pour que la bourse ait ses indices hausses. Y'a trop de fils, trop de sévices, trop de noirceurs dans les armes. Du coup je planifie des écrits pour les mettre en panne. J'inspire le drapeau de la révolution, je fais la morale pour que les mauvais prennent de bonnes résolutions. J'en ai ma claque, malheureusement depuis des lustres, d'observer les désastres commis par tous ces rustres. Y'a qu'une petite poignée de gars qui pourraient la planète, mais leurs choix ont bien plus de répercussions qu'un gamin pas net. Je pense à Bush, à Sharon, à Ben Laden, à Tony Blair et à tous ceux qui mettent des peuples face à la guerre. À tous ceux qui jouent des filles sans main frisson et qui font que l'avenir de notre globe est en perdition. Je suis juste un mec simple, pas un gars original, qui ressasse les mêmes choses pour qu'elles deviennent subliminales. T'attendais pas de l'ego trip ou du sensas, c'est juste ma rébellion pour éviter que la merde du monde s'entasse. Ouais, juste un mec simple, pas du genre original, qui ressasse les mêmes choses pour qu'elles deviennent subliminales. T'attendais pas de l'ego trip ou du sensas, c'est juste ma rébellion pour éviter que la merde du monde s'entasse. La musique c'est ma thérapie, je te l'ai déjà dit dans le premier album. Ne me l'enlève pas parce que j'ai que ça pour exposer mon ras-le-bol. Pour faire exploser toute l'énergie que je renferme. Et puis tant pis pour ceux qui me disent que je lâche toujours la même rengaine. Ouais, j'aimerais plus d'égalité, moins de cupidité, de la générosité, de l'humilité, pas de la futilité, moins d'agressivité ou d'imbécilité, qui permettrait d'après moi de pouvoir sauver l'humanité. Parce que franchement, faut rester réaliste, avec les comportements qu'on adopte, je n'entrevois malheureusement qu'un avenir triste, plein de cicatrices et de grosses plaies à soigner, en espérant bien sûr qu'avant on ait cessé de s'empoigner. Enfin, on verra bien, même si j'y crois plus trop, je garde courage et je donne tout ce que j'ai comme un pur pro. Je cherche des solutions à mon échelle, et pour le moment je n'ai trouvé que le rap, l'amour et mon pêcherel. Je suis juste un mec simple, pas un gars original, qui ressasse les mêmes choses pour qu'elles deviennent subliminales. T'attendais pas de l'ego trip ou du sensas, c'est juste ma rébellion pour éviter que la merde du monde s'entasse. Ouais, juste un mec simple, pas du genre original, qui ressasse les mêmes choses pour qu'elles deviennent subliminales. T'attendais pas de l'ego trip ou du sensas, c'est juste ma rébellion pour éviter que la merde du monde s'entasse. Je suis juste un mec simple.